Ici Strasbourg. Mesdames, messieurs, dans le cadre du 18e Festival international de Strasbourg, nous vous présentons, transmis en différé du théâtre municipal de notre ville, la représentation donnée par le Théâtre national populaire, dirigé par Jean Villard. Au programme, le triomphe de l'amour de Marivaux, avec le concours par ordre alphabétique de Mesdames Maria Cazares, Monique Chaumette, Catherine Lecouet, Messieurs Roger Mollien, Daniel Sorano, Jean Villard, Georges Wilson. Musique Maurice Jarre, régie Jean Villard. Programme retransmis par la Radiodiffusion colombienne, l'Institut national belge de radiodiffusion, émission en langue française, la Société suisse de radiodiffusion, studio de Genève. Mais madame, ne trouvera-t-on pas mauvais que nous soyons entrés si hardiment ici, nous qui n'y connaissons personne? Mais non, tout est ouvert. Et d'ailleurs, nous venons pour parler au maître de la maison. Restons dans cette allée en nous promenant. J'aurai le temps de te dire ce qu'il faut à présent que tu saches. Oh, il y a longtemps que je ne me suis sentie si à mon aise. Mais, princesse, faites-moi la grâce tout entière. Si vous voulez me donner un régal bien complet, laissez-moi le plaisir de vous interroger moi-même à ma fantaisie. Comme tu voudras. D'abord, vous quittez votre cour et la ville, et vous venez ici avec peu de suite dans une de vos maisons de campagne où vous voulez que je vous suive. Fort bien. Et comme vous savez que par amusement j'ai appris à peindre, à peine y sommes-nous 4 ou 5 jours, que vous enfermant un matin avec moi, vous me montrez 2 portraits dont vous me demandez des copies en petit, dont l'un est celui d'un homme de 45 ans et l'autre celui d'une femme d'environ 35, tous deux d'assez bonne mine. Cela est vrai. Laissez-moi dire. Quand ces copies sont finies, vous faites courir le bruit que vous êtes indisposé et qu'on ne vous voit pas. Ensuite, vous m'habillez en homme. Vous en prenez l'attirail vous-même. Et puis, nous sortons incognito toutes deux dans cet équipage-là, vous avec le nom de Phocion, moi avec celui d'Hermidas que vous me donnez. Et après un quart d'heure de chemin, nous voilà dans les jardins du philosophe Hermocrate, avec la philosophie de qui je ne crois pas que vous ayez rien à démêler. Plus que tu ne penses. Or, que veut dire cette feinte indisposition? Ce portrait copié, qu'est-ce que c'est que cet homme et cette femme qu'il représente? Que signifie la mascarade où nous sommes? Que nous importent les jardins d'Hermocrate? Que voulez-vous faire de lui? Que voulez-vous faire de moi? Où allons-nous? Que deviendrons-nous? À quoi tout cela aboutira-t-il? Je ne saurais le savoir trop tôt, car je m'en meurs. Écoute-moi, avec attention. Tu sais par quelle aventure je règne en ces lieux? Oh. J'occupe une place qu'autrefois Léonidas, frère de mon père, usurpa sur Cléomène, son souverain, parce que ce prince dont il commandait alors les armées devint, pendant son absence, amoureux de sa maîtresse et l'enleva. Léonidas, outré de douleur et chéri des soldats, vint comme un furieux attaquer Cléomène, le prit avec la princesse, son épouse, et les enferma tous deux. Au bout de quelques années, Cléomène mourut aussi bien que la princesse, son épouse, qui ne lui survécu que 6 mois et qui, en mourant, mit au monde un prince qui disparut et connut l'adresse de soustraire à Léonidas qui n'en découvrit jamais la moindre trace et qui mourut à son tour sans enfant, regretté du peuple qui l'avait bien gouverné, qui lui vit tranquillement succéder son frère à qui je dois la naissance et au rang de qui j'ai succédé moi-même. Oui, mais tout cela ne dit encore rien de notre déguisement ni des portraits dont j'ai fait la copie. Voilà ce que je veux savoir. Doucement. Ce prince qui reçut la vie dans la prison de sa mère, qu'une main inconnue enleva dès qu'il fut né, et dont Léonidas ni mon père n'ont jamais entendu parler. J'en ai des nouvelles, moi. Le ciel en soit loué! Vous l'aurez donc bientôt dans votre pouvoir. À point du tout. C'est moi qui vais me mettre au sien. Vous, madame? Vous n'en ferez rien, je vous jure. Je ne le permettrai jamais. Comment donc? Laisse-moi achever. Ce prince est depuis 10 ans chez le sage Hermocrate, qui l'a élevé et à qui Euphrosyne, parente de Cléomène, le confia 7 ou 8 ans après qu'il fut sorti de prison. Et tout ce que je te dis là, je le sais d'un domestique qui était il n'y a pas longtemps au service d'Hermocrate et qui est venu m'en informer en secret dans l'espoir d'une récompense. Oh, n'importe, il faut s'en assurer, madame. Ce n'est pourtant pas là le parti que j'ai pris. Un sentiment d'équité et je ne sais quelle inspiration m'en ont fait prendre un autre. J'ai d'abord voulu voir Agis, c'est le nom du prince. J'appris qu'Hermocrate et lui se promenaient tous les jours dans la forêt qui est à côté de mon château. Sur cette instruction, j'ai quitté, comme tu sais, la ville. Je suis venue ici. J'ai vu Agis dans cette forêt, à l'entrée de laquelle j'avais laissé ma suite. Le domestique qui m'y attendait me montra ce prince lisant dans un endroit du bois à ses épais. Jusque-là, j'avais bien entendu parler de l'amour, mais je n'en connaissais que le nom. Figure-toi, Corinne, un assemblage de tout ce que les grâces ont de noble et d'aimable. À peine t'imagineras-tu les charmes et de la figure et de la physionomie d'Agis. Ce que je commence à imaginer de plus clair, c'est que ces charmes-là pourraient bien avoir mis les nôtres en campagne. Mais j'oublie de te dire que lorsque je me retirais, Hermocrate parut. Et ce philosophe s'arrêta pour me prier de lui dire si la princesse ne se promenait pas dans la forêt, ce qui me marqua qu'il ne me connaissait point. Je lui répondis, assez déconcerté, qu'on disait qu'elle y était, et je m'en retournai au château. Voilà certes une aventure bien singulière. Le parti que j'ai pris l'est encore davantage. Je n'ai faim d'être indisposée et de ne voir personne que pour être libre de venir ici. Je vais, sous le nom du jeune Phocion, qui voyage, me présenter à Hermocrate, comme attiré par l'estime de sa sagesse. Je le prierai de me laisser passer quelque temps avec lui pour profiter de ses leçons. Je tâcherai d'entretenir Agis et de disposer son cœur à mes fins. Je suis née d'un sang qu'il doit haïr, ainsi je lui cacherai mon nom, car de quelque charme dont on me flatte, j'ai besoin que l'amour, avant qu'il me connaisse, les mettre à l'abri de la haine qu'il a sans doute pour moi. Oui, mais madame, si sous votre habit d'homme, Hermocrate allait reconnaître cette dame à qui il a parlé dans la forêt, vous jugez bien qu'il ne vous gardera pas chez lui. Il est pourvu à tout, Corinne, et s'il me reconnaît, tant pis pour lui. Je lui garde un piège dont j'espère que toute sa sagesse ne le défendra pas. Je serais pourtant fâchée qu'il me réduisît à la nécessité de m'en servir. Mais le but de mon entreprise est louable. C'est l'amour et la justice qui m'inspirent. J'ai besoin de 2 ou 3 entretiens avec Agis. Tout ce que je fais pour les avoir, je n'en attends pas davantage, mais il me les faut. Et si je ne puis les obtenir qu'aux dépens du philosophe, je n'y saurais que faire. Et cette sœur qui est avec lui, et dont apparemment l'humeur doit être austère, consentira-t-elle au séjour d'un étranger aussi jeune et d'aussi bonne mine que vous? Tant pis pour elle aussi si elle me fait obstacle. Je ne lui ferai pas plus de quartier qu'à son frère. Mais madame, il faudra que vous les trompiez tous deux. Car j'entends ce que vous voulez dire. Cet artifice-là ne vous choque-t-il pas? Il me répugnerait sans doute, malgré l'action louable qu'il a pour motif. Mais il me vengera d'Hermocrate et de sa sœur, qui mérite que je les punisse. Qui, depuis qu'Agis est avec eux, n'ont travaillé qu'à lui inspirer de l'aversion pour moi, qu'à me peindre sous les traits les plus odieux, et le tout sans me connaître. sans savoir le fond de mon âme ni tout ce que le ciel a pu y verser de vertu. Ce sont eux qui ont soulevé tous les ennemis qu'il m'a fallu combattre, qui m'en soulèvent encore de nouveau. Voilà ce que le domestique m'a rapporté, d'après l'entretien qu'il surprit. Hé, d'où vient tout le mal qu'ils me font? Est-ce parce que j'occupe un trône usurpé? Mais ce n'est pas moi qui en suis l'usurpatrice. D'ailleurs, à qui l'aurais-je rendu? Je n'en connaissais pas l'héritier légitime. Il n'a jamais paru, on le croit mort. Quel tort n'ont-ils donc pas? Non, Corinne, je n'ai point de scrupule. Surtout, conserve bien la copie des deux portraits que tu as faits, qui sont d'Hermocrate et de sa sœur. À ton égard, conforme-toi à tout ce qui m'arrivera, et j'aurai soin de t'instruire à mesure de tout ce qu'il faudra que tu saches. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il y aura bien de l'ouvrage à tout ceci, madame, et votre sexe... Ah ah! Madame. Et puis votre sexe. Hé! Hey. Parlez donc, vous autres âmes. Vous êtes donc des femmes. Je suis au désespoir. Oh, oh, mes mignonnes, avant de vous en aller, il faudra bien, s'il vous plaît, que nous comptions ensemble. Je vous ai d'abord prise pour deux fripons, mais je vous fais réparation. Vous êtes deux fripons. Tout est perdu, Corinne. Non, madame, ne craignez rien et laissez-moi faire. Tenez. La physionomie de ce garçon-là ne m'aura point trompée. Assurément, il est traitable. Et par-dessus le marché, un honnête homme qui n'a jamais laissé passer de contrebande. Ainsi, vous êtes une marchandise que j'arrête. Je vais faire fermer les portes. Oh, je t'en empêcherai bien, moi, car tu serais le premier à te repentir du tort que tu nous ferais. Prouvez-moi mon repentir et je vous lâche. Tiens, mon ami, voilà déjà un commencement de preuve. Ne serais-tu pas fâché d'avoir perdu cela? Oui, dame, il y a toute apparence, car je suis bien aise de l'avoir. As-tu encore envie de faire du bruit? Je n'ai encore qu'un commencement d'envie de n'en plus faire. Achevez de le déterminer, madame. Prends encore ceci. Es-tu content? Oh, voilà la guérison radicale de ma mauvaise humeur. Mais de quoi s'agit-il, mes libérales dames? Tiens, d'une bagatelle. Madame a vu Agis dans la forêt et n'a pu le voir sans lui donner son cœur. Cela est extrêmement honnête. Or, madame, qui est riche, qui ne dépend que d'elle et qui l'épouserait volontiers, voudrait essayer de le rendre sensible. Encore plus honnête. Madame ne saurait le rendre sensible qu'en liant quelques conversations avec lui, qu'en demeurant même quelque temps dans la maison où il est. Et pour avoir toutes ces commodités... Et cela ne se pourrait pas si elle se présentait habillée suivant son sexe, parce qu'Hermocrate ne le permettrait pas, et qu'Agis lui-même la fuirait à cause de l'éducation qu'il a reçue du philosophe. Malpeste! De l'amour dans cette maison-ci, ce serait une bien mauvaise auberge pour lui. La sagesse d'Agis, d'Hermocrate et de Léontine sont trois sagesses, aussi incivil pour l'amour qu'il y en est dans le monde. Il n'y a que la mienne qui est un peu de savoir-vivre. Nous le savions bien. Et voilà pourquoi madame a pris le parti de se déguiser pour paraître. Ainsi, tu vois bien qu'il n'y a point de mal à tout cela. Et pardi, il n'y a rien de si raisonnable. Madame a pris en passant de l'amour pour agir. C'est bien, qu'est-ce? Chacun prend ce qu'il peut, voilà bien de quoi. Allez, gracieuse personne, ayez bon courage. Je vous offre mes services. Vous avez perdu votre cœur. Faites vos diligences pour en attraper un autre. Si l'on trouve le mien, je le donne. Va. Compte sur ma parole. Tu jouiras bientôt d'un sort qui ne te laissera en vie et celui de personne. N'oublie pas dans le besoin que madame s'appelle Faucion et moi, Hermidas. Et surtout, qu'Agis ne sache point qui nous sommes. Ne craignez rien, seigneur Faucion. Touchez-la, camarade Hermidas. Voilà comme je parle, moi. Oui, voilà quelqu'un. Avec qui est-ce donc où se parlez là, nous, Tommy? Et... je parle avec du monde. Malgré, je le vois bien. Mais qui est ce monde? Et à qui en veut-il? Au seigneur Hermocrate. Eh bien, c'est point par ici qu'on entre. Nous te mettrons en charge à ce que parle sans pour le mettre dans le jardin.

Est-ce ainsi que vous répondez au généreux courage avec lequel je vous expose ma situation? Le sage ne l'est-il au profit de personne? Oh, je ne le suis point, madame. Eh bien, soit. Mais laissez-moi le temps de vous trouver des défauts et souffrez que je continue. Que m'allez-vous dire encore? Écoutez-moi. J'avais entendu parler de vous. Tout le public est plein de votre nom. Passons de grâce, madame. Excusez ces traits d'un cœur qui se plaît à louer ceux qu'il aime. Je m'appelle Aspasie. Et ce fut dans ces solitudes où je vivais comme vous, maîtresse de moi-même, et d'une fortune assez grande, avec l'ignorance de l'amour, avec le mépris de tous les efforts qu'on faisait pour m'en inspirer. Oh, que ma complaisance est ridicule. Ce fut donc dans ces solitudes où je vous rencontrais, vous promenant, aussi bien que moi. Je ne savais qui vous étiez d'abord. Cependant, en vous regardant, je me sentis émue. Il semblait que mon cœur devinait Thermocrate. Oh non, non, non, je ne veux plus en entendre davantage. Au nom de cette vertu que vous chérissez, Aspasie, abrégeons, quels sont vos desseins? Ce discours vous paraît frivole, il est vrai. Mais le soin de rétablir ma raison ne l'est pas. Mais le soin de garantir la mienne doit m'être encore plus cher. Tout sauvage que je suis, j'ai des yeux. Vous avez des charmes et vous m'aimez. J'ai des charmes, dites-vous. Et quoi, Seigneur? Est-ce que vous les voyez? Et craignez-vous de les sentir? Je ne veux pas même m'exposer à la crainte. Mais puisque vous les évitez, vous en avez donc peur. Vous ne m'aimez pas encore, mais vous craignez de m'aimer. Vous m'aimerez, Hermocrate. Oh, je ne saurais m'empêcher de l'espérer. Vous me troublez, je vous réponds mal, et je me tais. Eh bien, Seigneur, retirons-nous. Marchons. Rejoignons Léontine. J'ai dessein de demeurer quelque temps ici. Et vous me direz tantôt ce que vous aurez résolu là-dessus. Allez donc, Aspasie. Je vous suis. J'ai pensé m'égarer dans cet entretien. Quel parti faut-il que je prenne? Approche, Dimas. Tu vois ce jeune étranger qui me quitte. Je te charge d'observer toutes ses actions et de le suivre le plus que tu pourras et d'examiner s'il cherche à entretenir Agis. Entends-tu? J'ai toujours estimé ton zèle. Mais tu ne saurais me le prouver mieux qu'en t'acquittant exactement de ce que je te dis là. Votre affaire est faite. Pas plus tard que tantôt, je vous apporte donc toute ma pensée. Hé! Hey! Thank you. Morgue, venez ça, vous dit. Depuis que ces nouveaux venus sont ici, il n'y a plus moyen de vous parler. Vous êtes toujours à chuchoter à l'écart avec ce marmouset de valet. C'est par civilité, mon ami. Ouais. Mais je ne t'en aime pas moins. Mais la civilité... Quoi que je te laisse là. Un point qu'on soit malhonnête envers moi, qu'ici vous tenchiez un camarade. Falchon. Le vin et l'amitié, c'est tout un. Et puis ils sont vieux tous deux et mieux c'est. Cette comparaison-là est de bon goût. Nous en boirons la moitié quand tu voudras. Et tu boiras gratis à mes dépens. Vous êtes hasardeux. Vous dites ça comme s'il en pleuvait. Avez-vous bien de quoi? Ne t'embarrasse pas. Frère Tuchou, vous êtes un fin mal. Un morgué, je suis smart et tout, moi. Et depuis quand suis-je devenu maire? Bon, bon, ne savons-je pas que vous avez de la finance, de rencontres? Nous avons vu tantôt compter votre somme. Il a raison, voilà ce que c'est que de savoir son compte. Il baille dans le panneau. À côté, notre ami, il y a bien des affaires. Bien lutin tamar dans l'esprit de notre maître. Est-ce qu'il m'a vu aussi compter ma finance? Oui. Faut croire qu'il se doute de toute la manigance, car il m'a enchargé de faire ici le renard en tapinois pour la seule fin de défricher la pensée de ces deux personnes dont il a doutance par rapport à l'intention que nous avons dont il est en peine d'avoir connaissance au juste, vous entendez bien? Pas trop. Mais mon ami, je parle donc à un renard. N'appréhendez rien de ce renard. Il n'y a tant seulement qu'à voir ce que vous voulez que je lui dise. Premièrement, d'abord, il ne faut pas lui déclarer ce que c'est que ce monde-là. Hein. Garde-t'en bien, mon garçon. Laissez-moi faire. Il n'a tenu qu'à moi d'en dégoiser, car je n'ignore de rien. Quoi? Tu sais donc qui ils sont? Mon Dieu, c'est le savon. Je les connais, sont de plantes et de racines. Oh, oh! Je croyais qu'il n'y avait que moi qui les connaissais. Vous, Morgan, peut-être bien que vous n'en savez rien du tout. Oh, que si. Gâche que non. Ça ne se peut pas, ça n'est pas trop difficile. Mais voyez cette opiniâtre. Je te dis qu'elles me l'ont dit elles-mêmes. Quoi? Qu'elles étaient des femmes. Elles sont des femmes? Comment, fripon? Est-ce que tu ne le savais pas? Non, pas le mot, mais je te l'ai. Oh, maudit renard, vilain merle! Non, tu me coupes la gorge! Ah, je m'en vais faire! Quand j'aurai mes maudits à côté tout ça, mon gars! Oh, je suis un misérable! Des femmes. Qui baillons de l'argent, par derrière un jardinier, maugré qu'il les trouve dans son jardin, il y a point de gorge qui tienne, il faut punir ça. Mon ami! Es-tu friand d'argent? Je serais bien dégoûté si je n'étais pas. Mais où est-il cet argent? Je ferai financer cette dame pour racheter mon étourderie. Cette étourderie-là est pour un bon marché, je vous en avertis. Je sais bien qu'elle est considérable. Mais d'abord, par préambule, j'entends et je prétends que vous me disiez toute cette friponnerie. Ah ça! Combien avez-vous touché de cette dame? Tant en monnaie qu'en grosse pièce. Elle m'a donné 20 pièces d'or. 20 pièces d'or? Oh, que charté d'argent ça fait. Mais voilà une histoire qui vaut une métairie. Après, et cette dame, que vient-elle patricoter ici? C'est qu'Agis a pris son cœur dans une promenade. Eh bien, que se gardait-il? Et elle s'est mise comme ça pour attraper aussi le cœur d'Agis sans qu'il le voie. Oh bien! Tout ça, c'est du bon revenu pour moi. Tout ça se peut, moyennant que j'escamote et tout. Et ce petit valet, Hermidas, est-ce et tout une escamoteuse? C'est encore un cœur que je pourrais bien prendre en passe. Et ça ne vous convient pas à vous qui êtes un apprenti docteur? Tenez, fais la caviale. Faites avancer l'espèce. Il est avec le jardinier, il n'y a pas moyen de lui parler. Elles n'osent approcher. Dites-leur que je suis savant sur le parsan. Ne vous gênez point, car je suis un babillard, madame. À qui parles-tu, Harlequin ? Il n'y a pas de mystère. Il m'a fait causer avec une attrape. Quoi, malheureux ? Tu lui as dit qui j'étais ? Il n'y a pas une syllabe de manque. Oh, ciel ! Je savons. La part de votre cœur et l'escamotage de Stila Davish, je savons son argent, il n'y a que Stila qui m'a promis, je savons point encore. Corinne, c'en est fait, mon projet est renversé. Non, madame, ne vous découragez point. Dans votre projet, vous avez besoin d'ouvriers. Il n'y a qu'à gagner aussi le jardinier. N'est-il pas vrai, Dimas? Je cise de votre avis, mademoiselle. Eh bien, que faut-il pour cela? Il n'y a qu'à m'acheter ce que je vaux. Le fripon ne vaut pas une auberge. Que tient-il aussi qu'à cela, Dimas? Prends toujours d'avance ce que je te donne là, et si tu te tais, sache que tu remercieras toute ta vie le ciel de t'avoir associé à cette aventure-ci. Elle est plus heureuse pour toi que tu ne saurais te l'imaginer. Conclusion, madame me l'a vendue. Chez moi, me voilà ruiné. Sans ma peste de langue, tout cet argent-là arrivait dans ma poche. Et c'est de mes deniers qu'on achète ce vaurien-là. Qu'il vous suffise que je vous ferai riches tous deux. Mais parlons de ce qui m'a mené d'ici et qui m'inquiète. Hermocrate m'a promis tantôt de me garder quelque temps ici. Cependant, je crains qu'il n'ait changé de sentiment, car il est actuellement en grande conversation sur mon compte avec Agis et sa sœur qui veulent que je reste. Dis-moi la vérité, Harlequin. Ne t'est-il rien échappé avec lui de mes desseins sur Agis? Je te cherchais pour savoir cela, ne me cache rien. Non, sur ma foi, ma belle dame. Il n'y a que ce vieux routier-là qui m'a pris comme avec un filet. Bolguer l'ami, il faut que la prudence, beaucoup pas présent la langue, je touche ça. Non, si tu n'as rien dit, je ne crains rien. Vous saurez de Corinne à quoi j'en suis avec le philosophe et sa sœur. Et vous, Corinne, puisque Dimas est des nôtres, partagez encore le cas et lui ce qu'il y aura à faire. Il s'agit à présent d'entretenir les dispositions du frère et de la sœur. Nous réussirons, ne vous inquiétez pas. Retirez-vous, vous autres. Oui. Voici Agis. Et surtout, prenez garde qu'Hermocrate ne nous surprenne ensemble. Oh, je vous cherchais, mon cher Faucillon. Et vous me voyez inquiet. Hermocrate n'est plus si disposé à consentir à ce que vous souhaitez. Je n'ai encore été mécontent de lui qu'aujourd'hui. Il n'allègue rien de raisonnable. Ce n'est point encore moi qui l'ai pressé sur votre chapitre. J'étais seulement présent quand sa sœur lui a parlé pour vous. Elle n'a rien oublié pour le déterminer. Et je ne sais ce qu'il en sera. Car une affaire qui demandait Hermocrate et qui l'occupe actuellement a interrompu leur entretien. Mais, cher Faucillon, que ce que je vous dis là ne vous rebute pas. Pressez-le encore, c'est un ami qui vous en conjure. Je lui parlerai moi-même. Et nous pourrons le vaincre. Quoi ? Vous m'en conjurez, Agis ? Vous trouvez donc quelque douceur à que je reste ici? Je n'y attends plus que l'ennui quand vous n'y serez plus. Il n'y a plus que vous qui m'y arrêtez aussi. Votre cœur partage donc les sentiments du mien? Mille fois plus que je ne saurais vous le dire. Laissez-moi vous en demander une preuve. Voilà la première fois que je goûte le charme de l'amitié. Vous avez les prémices de mon cœur. Ne m'apprenez point la douleur que l'on ressent à perdre son ami. Moi, vous la prendre, Agis, et le pourrais-je sans en être la victime? Oh, que je suis touché de votre réponse. Écoutez le reste. Souvenez-vous que vous m'avez dit qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous voir toujours. Et sur ce pied-là, voici ce que j'imagine. Voyons. Je ne saurais sitôt quitter ces lieux. D'importantes raisons que vous saurez quelque jour m'en empêchent. Mais vous, mon cher Faucillon, qui êtes le maître de votre sort, attendez ici que je puisse décider du mien. Demeurez près de nous pour quelques jours. Vous y serez dans la solitude, il est vrai, mais nous y serons ensemble. Et le monde peut-il rien offrir de plus doux que le commerce de deux cœurs vertueux qui s'aiment?

avec ce qu'on n'aime pas. Que la vie, alors, est un tissu de langueur. Que la vertu même, en nous secourant, nous accable. Mais peut-être sentez-vous que vous aimerez volontiers celui qu'on vous propose. Non, Seigneur. Ma fuite en est une preuve. Prenez-y donc garde. Surtout si quelque secret penchant vous prévenait pour un autre. Car peut-être aimez-vous ailleurs et ce serait encore pire. Mais non, vous dis-je, je vous ressemble. Je n'ai jusqu'ici senti mon cœur que par l'amitié que j'ai eue pour vous. Et si vous ne me retiriez pas la vôtre, je ne voudrais jamais d'autre sentiment que celui-là. Ah, sur ce pied-là, ne vous exposez pas à revoir la princesse, car je suis toujours le même. Vous m'aimez donc encore ? Toujours, madame. D'autant plus qu'il n'y a rien à craindre, puisqu'il ne s'agit entre nous que d'amitié. Seul penchant que je puisse inspirer, et le seul aussi, sans doute, dont vous soyez capable. Seigneur, personne n'est plus digne que vous de la qualité d'ami. Celle d'amant ne vous convient que trop, mais ce n'est pas à moi à vous le dire. Je voudrais bien ne le devenir jamais. Laissons donc là l'amour. Il est même dangereux d'en parler. Voici, je pense, un domestique qui vous cherche. Hermocrate ne sera peut-être plus occupé. Souffrez que je me retire pour aller le joindre. Allez, madame Fossion, votre entretien tout à l'heure était bien gardé, car il avait 3 sentinelles. Hermocrate n'a point paru, mais sa sœur vous cherche et a demandé au jardinier où vous étiez. Elle a l'air un peu triste, apparemment, le philosophe ne se rend pas. Oh, il a beau faire. Il deviendra docile, où tout l'art de mon sexe n'y pourra rien. Et le seigneur Agis promet-il quelque chose? Son cœur se mitonne-t-il un peu? Encore une ou deux conversations, je l'emporte. Quoi, sérieusement, madame? Oui, Corinne, tu sais les motifs de mon amour. Et les dieux m'en annoncent déjà la récompense. Ils ne manqueront pas aussi de récompenser le mien, car il est bien honnête. Père, voici Léontine, retirons-nous. As-tu instruit Arlequin de ce qu'il s'agit de faire à présent? Oui, madame. Vous serez charmée de mon savoir-faire. J'allais vous trouver, madame. On m'a appris ce qui se passe. Hermocrate veut se dédire de la grâce qu'il m'avait accordée. Je suis dans un trouble inexprimable. Oui, Fossion. Hermocrate, par une opiniâtreté qui me paraît sans fondement, refuse de tenir la parole qu'il m'a donnée. Vous m'allez prier de le presser encore, mais je viens vous avouer que je n'en ferai rien. Vous n'en ferez rien, Léontine? Non. Ces refus me rappellent moi-même à la raison. Et vous appelez cela retrouver la raison? Quoi? Ma tendresse aura borné ma vue. Je n'aurais cherché qu'à vous la dire. Je vous l'aurais dite, je me serais mis hors d'état de guérir jamais. J'aurais même espéré de vous toucher. Et vous voulez que je vous quitte? Ah non, Léontine! Cela n'est pas possible. Vous voulez-vous que j'en trouve la force? Me l'avez-vous laissée? Vous voyez ma situation. C'est à votre vertu même à qui j'appelle. C'est elle que j'interroge. Qu'elle soit juge entre vous et moi. Je suis chez vous. Vous m'y avez souffert. Vous savez que je vous aime. Me voilà pénétrée de la passion la plus tendre. Vous me l'avez inspirée. Et je partirai. Et Léontine, demandez-moi ma vie. Déchirez mon cœur. Ils sont tous deux à vous. Mais ne me demandez point des choses impossibles. Quelle vivacité de mouvement! Non, Fossion. Jamais je ne sentis aussi bien la nécessité de votre départ et je ne m'en mêle plus. Juste ciel! Que deviendrait mon cœur avec l'impétuosité du vôtre? Suis-je obligée, moi, de soutenir cette foule d'expressions passionnées qui vous échappent? Je voudrais donc toujours combattre Toujours résister et ne jamais vaincre, non, Faucion. C'est de l'amour que vous voulez m'inspirer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la douleur d'en avoir que vous voulez que je sente. Et je ne sentirai que cela. Ainsi, retirez-vous, je vous en conjure, et laissez-moi dans l'état où je suis. De grâce, ménagez-moi, Léontine. Je m'égare à la seule idée de partir. Je ne saurais plus vivre sans vous. Je vais remplir ces lieux de mon désespoir, je ne sais plus où je suis. Et parce que vous êtes désolée, il faut que je vous aime. Qu'est-ce qu'une semblable tyrannie? Est-ce que vous me haïssez? Je le devrais. Les dispositions de votre cœur me sont-elles favorables? Je ne veux point les écouter. Oui, mais moi, je ne saurais renoncer à les suivre. Chut, arrêtez, j'entends quelqu'un. Que fait donc là ce domestique, madame? Le seigneur Hermocrate m'a ordonné d'examiner votre conduite, car il ne vous connaît point. Mais dès que je suis avec madame, ma conduite n'a pas besoin d'un espion comme toi. Dites-lui qu'il se retire, madame, je vous en prie. Il vaut mieux me retirer moi-même. Si vous vous en allez sans promettre de parler pour moi, je ne réponds plus de ma raison. Oh! Va-t'en, Harlequin, il n'est pas nécessaire que tu restes ici. Plus nécessaire que vous ne pensez, madame. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce monsieur-là n'est pas aussi friand de la sagesse que des filles sages. Et je vous avertis qu'il veut déniaiser la vôtre. Que veux-tu dire, Harlequin? Rien ne m'annonce ce que tu dis là. Et c'est une plaisanterie que tu fais. Oh, que nenni! Tenez, madame, tantôt, son valet, qui est un autre espiègle, est venu me dire, eh bien, qu'est-ce? Y a-t-il moyen d'être amis ensemble? Oh, de tout mon cœur. Que vous êtes heureux d'être ici. Pas mal. Les honnêtes gens que vos maîtres. Admirable. Que votre maîtresse est aimable. Oh, divine. Et dites-moi, a-t-elle eu des amants? Tant qu'elle en a voulu. En a-t-elle en ce moment? Tant qu'elle en veut. En aura-t-elle? Tant qu'elle en voudra. A-t-elle envie de se marier? Elle ne dit pas ses envies. Resta-t-elle fille? Je ne garantis rien. Qui est-ce qui la voit? Qui est-ce qui ne la voit pas? Vient-il quelqu'un? Ne vient-il personne? Et par-ci, par-là, est-ce que votre maître en est amoureux? Chut! Il en perd l'esprit. Et nous ne sommes ici que pour lui avoir le cœur afin qu'elle nous épouse. Car nous avons des richesses et des flammes. Plus qu'il n'en faut pour 10 ménages. N'as-tu pas dit assez? Voyez comme il s'en soucie. Il vous donnera le supplément si vous voulez. N'est-il pas vrai, Seigneur Faucion? Kermidas n'a fait que s'amuser en lui disant cela. Aïe, aïe! La voix vous manque, ma chère maîtresse. Votre cœur prend congé de la compagnie. On le pille actuellement. Et je m'en vais faire venir le seigneur Hermocrate à votre secours. Arrête, Harlequin! Où vas-tu? Je ne veux pas qu'il sache qu'on me parle d'amour. Ah, puisque le fripon est de vos amis, ce n'est pas la peine de crier au voleur. Que la sagesse s'accommode. Mariez-vous, il y aura encore de la place pour elle. Le métier de brave femme a bien son mérite. Adieu, madame. N'oubliez pas la discrétion de votre petit serviteur qui vous fait ses compliments et qui ne dira mot. Va, je me charge de payer ton silence. Ah. Où suis-je? Tout ceci me paraît un songe. Voyez à quoi vous m'exposez. Mais qui vient encore? Je vous apporte ce que vous m'avez demandé, Seigneur. Voyez si vous en êtes content. Il serait encore mieux si j'avais travaillé d'après la personne présente. Pourquoi me l'apporter devant madame? Et voyons. Ah oui. Oui. Oui, la physionomie s'y trouve. Voilà, cet air noble et fin. Et tout le feu de ses yeux. Il me semble pourtant qu'ils sont encore un peu plus vifs. C'est apparemment d'un portrait que vous parlez, Seigneur. Oui, madame. Donnez, Seigneur, j'observerai ce que vous dites là. Peut-on le voir avant qu'on l'emporte? Il n'est pas achevé, madame. Puisque vous avez vos raisons pour ne le pas montrer, je n'insiste plus. Le voilà, madame. Et vous me le rendrez, au moins. Que vois-je, c'est le mien? Je ne saurais vous perdre de vue. La moindre absence m'est douloureuse. Ne dura-t-elle qu'un moment et ce portrait me l'adoucira. Et cependant, vous le gardez. Je ne devrais pas vous le rendre. Mais tant d'amour m'en ôte le courage. Cet amour ne vous en inspire-t-il pas un peu? Hélas, je n'en voulais point. Mais je n'en serai peut-être pas la maîtresse. Ah, de quelle joie vous me comblez. Est-il donc arrêté que je vous aimerai? Ne me promettez un point à votre cœur. Dites que je l'ai, Léontine. Je ne dirai que trop vrai. Faussement. Je resterai donc. Et vous parlerez à Hermocrate. Il le faudra bien. Pour me donner le temps de me résoudre à notre union. Cessez cet entretien, je vois Dumas qui vient. Je me sens dans une émotion de cœur où je ne veux pas qu'on me voie. Adieu, Faucillon, ne vous inquiétez pas. Je me charge du consentement de mon frère. Le philosophe qui se pourmène en val ici tous les vents. Faites-nous de la marge et laissez-nous le terrain pour la seule fin que j'y en baille encore d'une venue. Courage, Dumas, je me retire et reviendrai dès qu'il sera parti. Eh bien, n'as-tu point vu Faucillon? Non. Mais j'allais en vous rendre compte à son sujet. Eh bien, as-tu découvert quelque chose? Est-il souvent avec Agis? Cherche-t-il à le voir? Oh que non, il a ma foi bien d'autres tracas dans la salvelle. Ce début me fait craindre le reste. De quoi s'agit-il? Il s'agit, Morgue, que vous avez bien du mérite. Et que faut admirer votre science, votre vertu et votre bonne mine. D'où vient ton enthousiasme là-dessus? C'est que je compare votre face à ce qui arrive. Ce qui se passe d'échange est merveillable. Et qui porte la signifiance de la rareté de votre personne. C'est qu'on se meurt, on soupire. Hélas, se dit-on que je l'aime, cet homme-là, cet agréable homme. Je ne sais de qui tu me parles. Un morgue, c'est de vous. Et puis d'un garçon qui n'est qu'une fille. Je n'en connais point ici. Vous connaissez bien Faucillon. Eh bien, il n'y a que son habit et d'un homme, le reste, c'est une fille. Que me dis-tu là? Expliquez, quel est l'empris de charme? Morgue, que vous êtes heureux. Car ces charmes-là, devinez leur intention. Je les avons entendus deviser. Elles se disent comme ça qu'elles se gardent pour l'homme le plus mortel. Non, c'est pas ça, je me trompe. Pour le mortel le plus parfait, qui se trouve parmi les mortels de tous les hommes, et qui s'appelle Hermocrate. Qui, moi? À côté. À côté! Que va-t-il dire encore? Comme je chassons tantôt à obéir à votre commandement, je l'avons vu qui coupait dans le taillis avec son valet Hermidas, qui a tout un acabit de garçon de la même étoffe. Moi, tout bellement, je traverse le taillis par un autre côté. Et puis, je les entends. Et puis, Faucillon commence. Mais là, qui est fait, Corinne? Il n'y a plus de garnison pour moi, mamie. Je l'aime trop, cet homme-là, cet agréable homme. Je ne saurais plus que faire ni que dire. Ah, mais pourtant, madame, vous êtes si belle. Eh bien, cette beauté que profit me fait-elle puisqu'il veut que je m'en retourne? Oh, mais patience, madame. Eh, mais où est-il? Mais que fait-il? Où se trouve la sagesse de sa personne? Arrête, Dimas. Je suis à la fin. Mais que vous dit-il quand vous lui parlez, madame? Eh bien, il me gronde, ma fille, et moi, je me fâche. Il me représente qu'il est sage, et moi, il tout se l'y fait. Mais je vous plains, je me fait-il. Eh bien, me voilà bien le fait, se lui dis-je. Mais n'avez-vous pas honte, se me fait-il. Eh bien, qu'est-ce que ça m'avance, se lui fais-je. Mais vous de vertu, madame. Mais mon tourment, monsieur. Est-ce que les vertus ne se marieront point ensemble? Il me suffit de dire, je s'en est assez. Je suis d'avis que vous garissiez cet enfant-là, votre maître, en tombant il tout malade pour elle, et que vous la preniez pour le ménager. Car en restant garçon, on enterre la lignée d'un homme. Et ce serait bien dommage de l'enterrement de la vôtre. Mais, en parlant par similitude, n'y aurait-il pas moyen, par votre moyen, de me recommander à l'affection de la femme de chambre à cause que je savons toutes ces fraudelles et que je n'en ce nom, mon... Il ne me manquait plus que d'essuyer ce compliment-là. Et, écoute, Dimas, sois discret, je te l'ordonne. Il serait fâcheux pour la personne en question que cette aventure-ci fût connue. Et de mon côté, je vais y mettre ordre en la renvoyant.

L'univers est plein de gens qui me ressemblent. Ne perdez donc un amour que tout homme pris au hasard mérite autant que moi, madame. Non, non, je le répète encore, si les dieux pouvaient être faibles, ils le seraient comme Hermocrate. Jamais il ne fut plus grand. Jamais plus digne de mon amour, et jamais mon amour plus digne de lui. Juste ciel, vous parlez de ma gloire. Et en est-il qui vaille celle de vous avoir causé le moindre des mouvements que vous dites? Non, c'en est fait, Seigneur, je ne vous demande plus le repos de mon cœur, vous me le rendez par l'aveu que vous me faites. Vous m'aimez, je suis tranquille et charmée, vous me garantissez votre union. Il me reste un mot à vous dire, et je finis par là. Je révélerai votre secret. Je déshonorerai l'homme que vous admirez et son affront rejaillira sur vous-même si vous ne partez. Eh bien, Seigneur, je pars. Mais je suis sûre de ma vengeance, puisque vous m'aimez votre cœur, Malagarde. Allez, désespérez le mien, fuyez un amour qui pouvait faire la douceur de votre vie et qui va faire le malheur de la mienne. Jouissez, si vous voulez, d'une sagesse sauvage dont mon infortune va vous assurer la durée cruelle. Je suis venue vous demander du secours contre mon amour. Vous ne m'en avez point donné d'autre que m'avouer que vous m'aimiez. C'est après cet aveu que vous me renvoyez, après un aveu qui redouble ma tendresse. Les dieux détesteront cette même sagesse conservée aux dépens d'un jeune cœur que vous avez trompé, dont vous avez trahi la confiance, dont vous n'avez point respecté les intentions vertueuses et qui n'a servi que des victimes à la férocité de vos opinions. Vous me direz vos cris, madame, on vient à nous. Désolée, vous voulez que je me taise? Vous m'attendrissez plus que vous ne pensez, mais n'est que là des points. Rendez-moi donc cela, de quel droit le retenez-vous? Qu'est-ce que cela signifie? Non, morbleu, ma fidélité n'entend point raillerie. Il faut que j'avertisse mon maître. Que veut dire ce bruit que vous faites? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que te veut, Hermidas? J'ai découvert un micmac, seigneur Hermocrate. Il s'agit d'une affaire de conséquence. Il n'y a que le diable et ces personnages-là qui le sachent. Mais il faut voir ce que c'est. Explique-toi. Je viens de trouver ce petit garçon dans la posture d'un homme qui écrit. Il rêvait, secouait la tête, mirait son ouvrage. Et j'ai remarqué qu'il avait auprès de lui une coquille où il y avait du vert, du jaune, du gris, du blanc et où il trempait sa plume. Comme j'étais derrière lui, je m'approchais pour voir son original de lettres. Mais voyez le fripant. Ce n'était ni des mots, ni des paroles. C'était un visage qu'il écrivait. Et ce visage, c'était vous, seigneur Hermocrate. Moi? Votre propre visage, à l'exception qu'il est plus court que celui que vous portez. Le nez que vous avez ordinairement tient lui seul plus de place que vous tout entier dans ce minois. Est-il possible de rapetisser ainsi la face des gens, de diminuer la largeur de leur physionomie? Tenez, regardez la mine que vous faites là-dedans. Tu as bien fait, Arlequin. Je ne te blâme point. Va-t'en. Je vais examiner ce que cela signifie. N'oubliez pas de vous faire rendre les deux tiers de votre visage. Quelle était votre idée? Pourquoi m'avez-vous donc peint? Par une raison toute naturelle, seigneur. J'étais bien aise d'avoir le portrait d'un homme illustre et de le montrer aux autres. Vous me faites trop d'honneur. Et d'ailleurs, je savais que ce portrait ferait plaisir à une personne à qui il ne convenait point de le demander. Mais cette personne, quelle est-elle? Seigneur! Taisez-vous, Corinne! Qu'entends-je? Que dites-vous, Aspasie? Ne demandez pas davantage, Hermocrate. Faites-moi la grâce d'ignorer le reste. Mais comment, à présent, voulez-vous que je l'ignore? Non, prison là-dessus, vous me faites rougir. Ce que je vois est à peine croyable, je ne sais plus ce que je deviens moi-même. Je ne saurais soutenir cette aventure. Et moi, cette épreuve-ci m'entraîne. Ah, Corinne, pourquoi avez-vous été surprise? Vous triomphez, Aspasie, vous l'emportez. Je me rends. Sur ce pied-là, je vous pardonne la confusion de ma victoire, secours. Reprenez ce portrait. Il vous appartient, madame. Je ne le reprendrai point que ce ne soit votre cœur qui me l'abandonne. Rien ne doit vous empêcher de le reprendre. Dans ce cas, vous devez estimer le mien. Et le voilà. Marquez-moi qu'il vous est cher. Me trouvez-vous assez humilié? Je ne vous dispute plus rien. Si le seigneur Hermocrate voulait souffrir que je le finisse, il ne faudrait qu'un instant pour cela. Mais puisque nous sommes seuls et qu'il ne s'agit que d'un instant, ne le refusez pas, seigneur. Aspasie, ne m'exposez point à ce risque-là. Quelqu'un pourrait nous surprendre. C'est l'instant où je triomphe, dites-vous. Ne le laissons pas perdre. Il est précieux. Vos yeux me regardent avec une tendresse que je voudrais bien qu'on recueillit afin d'en conserver l'image. Vous ne voyez point vos regards, ils sont charmants, seigneur. Achève, Corinne. Achève. Seigneur, un peu de côté, je vous prie. Daignez m'envisager. Rachel, à quoi me réduisez-vous? Votre cœur rougit-il des présents qu'il fait au mieux? Levez un peu la tête. Vous le voulez, Aspasie. Tournez un peu à droite. Cessez. Agis, approche. Mais partez, Armidas! Je venais vous prier, Seigneur, de nous laisser Phocion pour quelque temps. Mais j'augure que vous y consentez et qu'il est inutile que je vous en parle. Vous souhaitez donc qu'il reste, Agis? Je vous avoue que j'aurais été très fâché qu'il partît. Rien ne saurait me faire tant de plaisir que son séjour ici. On ne saurait le connaître sans l'estimer. Et l'amitié suit aisément l'estime. J'ignorais que vous fussiez déjà si charmés l'un de l'autre. Nos entretiens, en effet, n'ont pas été bien fréquents. Peut-être que j'interromps la conversation que vous avez ensemble. C'est à quoi j'attribue la froideur avec laquelle vous m'écoutez. Ainsi, je me retire. Que signifie cet empressement d'Agis? Je ne sais ce que je dois croire. Depuis qu'il est avec moi, je n'ai rien vu qui l'intéressât autant que vous. Vous connaît-il? Lui avez-vous découvert qui vous êtes? Et m'abuseriez-vous? Ah, Seigneur, vous me comblez de joie. Vous m'avez dit que vous aviez été jaloux, il ne me restait plus que le plaisir de le voir moi-même, et vous me le donnez, mon cœur vous remercie de l'injustice que vous me faites. Hermocrate est jaloux, il me chérit, il m'adore, il est injuste, mais il m'aime, qu'importe à quel prix il me le témoigne. Il s'agit pourtant de me justifier. Agis n'est pas loin. Rappelons-le qu'il revienne, Seigneur. Je vais le chercher moi-même, je vais lui parler, et vous verrez si je me... Aspasie, je reconnais mon erreur. Votre franchise me rassure. Ne l'appelez pas, je me rends. Il ne faut pas que l'on sache encore que je vous aime. Laissez-moi le temps de disposer tout. J'y consens. Voici votre sœur. Je vous laisse ensemble. J'ai pitié de sa faiblesse. Au ciel, pardonne mon artifice. Ah, vous voilà, mon frère. Je vous demande à tout le monde. Comme voulez-vous, Léontine. À quoi en êtes-vous avec Phocion? Persistez-vous toujours dans le dessein de le renvoyer? Il m'a tantôt marqué tant d'estime pour vous. Il m'en a dit tant de bien que je lui ai promis qu'il resterait et que vous y consentiriez. Je lui en ai donné ma parole. Son séjour sera court et ce n'est pas la peine de m'en dédier. Non, Léontine, vous savez mes égards pour vous. Je ne vous dédierai point. Dès que vous avez promis, il n'y a plus de réplique. Il restera tant qu'il voudra, ma sœur. Je vous rends grâce de votre complaisance, mon frère. Et en vérité, Phocion mérite bien qu'on l'oblige. Je sens tout ce qu'il vaut. D'ailleurs, je regarde que c'est en passant un amusement pour Agis, qui vit dans une solitude dont on se rebute quelquefois à son âge. Quelquefois à tout âge. Vous avez raison. On y a des moments de tristesse. Je m'y ennuie souvent moi-même. J'ai le courage de vous le dire. Qu'appelez-vous courage? Et qui ne s'y ennuierait point? N'est-on pas né pour la société? Écoutez, on ne sait pas ce qu'on fait quand on se confine dans la retraite. Et

Je me sauve. Mais vous n'êtes pas quitte de Léontine? La voilà qui vous cherche. J'ai un mot à vous dire, mon cher Phocion. Le sort en est jeté, nos embarras vont finir. Oui, grâce au ciel. Je ne dépends que de moi. Nous allons être pour jamais unis. Je vous ai dit que c'est un spectacle que je ne veux pas donner ici. Mais les mesures que nous avons prises ne me paraissent pas décentes. Vous avez envoyé chercher un équipage qui doit nous attendre à quelques pas de la maison, n'est-il pas vrai? Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de nous en aller ensemble, que je partisse la première et que je me rendisse à la ville en vous attendant? Oui, dame, vous avez raison. Partez. C'est fort bien dit. Je vais dès cet instant faire les préparatifs nécessaires et dans 2 heures, je ne serai pas ici. Mais, Phocion, hâtez-vous de me suivre. Et commencez par me quitter pour vous hâter vous-même. Que d'amour ne me devez-vous pas? Oh, je sais que le vôtre est impayable, mais ne vous amusez point. Il n'y avait que vous dans le monde capable de m'engager à la démarche que je fais. Oh, la démarche est innocente et vous n'y courez aucun hasard. Mais allez vous y préparer. J'aime avoir votre empressement. Puisse-t-il durer toujours? Et puis si vous y répondre par le vôtre, car votre lenteur m'impatiente. Je vous avoue que je ne sais quoi de triste s'empare quelquefois de moi. Mais ces réflexions-là sont-elles de saison? Je ne me sens que de la joie, moi. Ne vous impatientez plus, je pars. Car voici mon frère que je ne veux pas voir dans ce moment-ci. Oh, encore ce frère! Mais ce ne sera donc jamais fait. Eh bien, homocrate, je vous croyais occupé à vous arranger pour votre départ. Oh, charmante Aspasie, si vous saviez combien je suis combattu. Ah, si vous saviez combien je suis lasse de vous combattre. Pardonnez. Qu'est-ce que cela signifie? On n'est jamais sûr de rien avec vous. Ces agitations à un homme dont le cœur promettait plus de force. Votre cœur fait bien de façon démocrate. Soyez agité tant que vous voudrez, mais partez, puisque vous ne voulez pas vous marier ici. Ah. Ce soupir-là n'expédie rien. Il me reste encore une chose à vous dire, et qui m'embarrasse beaucoup. Vous ne finissez rien, il y a toujours un reste. Faut-il vous dire tout? Après. Je vous ai abandonné mon cœur, et je vais être à vous ainsi donc il n'y a plus rien à vous cacher. J'élève Agis depuis l'âge de 8 ans. Je ne saurais le quitter de si tôt. Souffrez qu'il vive avec nous quelque temps et qu'il vienne nous retrouver. Et qui est-il donc? Nous intérêts vont devenir communs. Apprenez un grand secret. Vous avez entendu parler de Cléomène. Agis est son fils, échappé de sa prison dès son enfance. Vos confidences sont de bonnes mains. Songez avec combien de soin il faut que je le cache et ce qu'il deviendrait entre les mains d'une princesse qui le fait chercher à son tour et qui apparemment ne respire que sa mort. Elle passe pourtant pour équitable et généreuse. Je ne m'y fierai pas. Elle n'est un sentinelle ni l'un ni l'autre. On dit qu'elle épouserait Agis si elle le connaissait, d'autant plus qu'ils sont du même âge. Quand il serait possible qu'elle le voulût, la juste haine qu'il a pour elle l'en empêcherait. J'aurais cru que la gloire de pardonner à ses ennemis valait bien l'honneur de les haïr toujours, surtout quand ses ennemis sont innocents du mal qu'on nous a fait. S'il n'y avait pas un trône à gagner en pardonnant, vous auriez raison. Mais le prix du pardon gâte tout. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de cela. Agis aura lieu d'être content. Il ne restera pas longtemps avec nous. Nos amis fomentent une guerre chez l'ennemi auquel il se joindra. Les choses s'avancent et peut-être bientôt les verra-t-on changer de face. Et se défera-t-on de la princesse? Que l'héritière des coupables. Ce serait là se venger d'un crime par un autre et Agis n'en est pas capable. Il suffira de la vaincre. Et voilà, je pense tout ce que vous avez à me dire. Adieu, chère Aspasie. Chère Aspasie. Il ne me reste plus qu'une heure ou deux à demeurer ici. Enfin, serai-je libre? Je suis persuadée qu'Agis attend le moment de pouvoir me parler. Cette haine qu'il a pour moi me fait trembler pourtant. Mais que me veulent?

Il est assez particulier que nous y ayons tous deux affaires. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit tantôt? Votre voyage ne cache-t-il pas quelques mystères? Voilà une question qui me ferait douter des motifs du vôtre. Vous vous souvenez aussi de ce que vous m'avez dit tantôt? Hermocrate, parlons à cœur ouvert. Tenez, nous nous pénétrons. Je ne vais point chez Frosine. Dès que vous parlez sur ce ton-là, je n'aurai pas moins de franchise que vous. Je ne vais point chez Criton. C'est mon cœur qui me conduit où je vais. C'est le mien qui me met en voyage. Sur ce pied-là, je me marie. Eh bien, je vous en offre autant. Tant mieux, Hermocrate. Et grâce à notre mutuelle confidence, je crois que celui que j'aime et moi, nous nous épargnerons les frais du départ. Il est ici. Et puisque vous savez tout, ce n'est pas la peine de nous aller marier plus loin. Vous avez raison. Nos mariages se feront ensemble. Car celle avec qui je me marie est ici aussi. Je ne sais pas où elle est. Pour moi, c'est Faucion que j'épouse. Faucion. Oui. Celui qui est venu tantôt, celui pour qui vous me parliez. Mais je n'en connais point d'autre. Attendez donc, je l'épouse aussi, moi. Et nous ne pouvons pas l'épouser tous deux. Vous l'épousez? Vous ne rêvez pas? Pas du tout. Mais qu'est-ce que cela veut dire, quoi? Faucion, qui m'aime d'une tendresse infinie, qui a fait faire mon portrait, mon insu. Votre portrait, ce n'est pas le vôtre. C'est le mien qui l'a fait faire sans que je le sache. Mais ne vous trompez-vous pas. Voici le sien. Le reconnaissez-vous? Tenez, ma sœur, en voilà le double. Le vôtre est en homme. Le mien est en femme. J'en ai toute la différence. Juste ciel où en suis-je? Oh, sans les faits, je n'y saurais plus tenir. Elle ne m'a point donné de portrait. Mais je dois l'épouser aussi. Comment vous aussi Agis? Quelle étrange aventure! Je suis outré, je l'avoue. Il n'est pas question de se plaindre. Nos domestiques étaient gagnés. Je crains quelques desseins cachés. Attends-nous, Léontine. Ne perdons point de temps. Il faut que cette fille s'explique et nous rende compte de son imposture. Je suis au désespoir. Mais voilà donc parti. C'est important. Qu'avez-vous, Agis? Vous ne me regardez pas? Que venez-vous faire ici? Qui dans le droit doit vous épouser? D'Hermocrate, de Léontine ou de moi? Tout est découvert. N'avez-vous pas votre portrait à me donner, comme aux autres? Mais les autres n'auraient pas eu ce portrait si je n'avais pas eu le dessein de vous donner la personne. Et moi, je la sais, Hermocrate. Adieu, perfide, adieu, cruel. Je ne sais plus de quel nom vous nommez. Adieu pour jamais. Je me meurs. Écoutez-moi, écoutez-moi. Oh, laissez-moi vous dire. Non, je ne vous quitterai plus. Craignez d'être le plus ingrat de tous les hommes si vous ne m'écoutez pas. Moi que vous avez trompé? Mais c'est pour vous que j'ai trompé tout le monde et je n'ai pu faire autrement. Tous mes artifices sont autant de témoignages de ma tendresse. Et vous insultez dans votre erreur au cœur le plus tendre qui fut jamais. Je ne suis point en peine de vous calmer. Tout l'amour que vous me devez, tout celui que j'ai pour vous, vous ne le savez pas. Vous m'aimerez, vous m'estimerez. Vous me demanderez pardon. Je n'y comprends rien. J'ai tout employé pour abuser des cœurs dont la tendresse était l'unique voie qui me restait pour obtenir la vôtre. Et vous étiez l'unique objet de tout ce qu'on m'a vu faire. Hélas, puis-je vous en croire, Aspasie? Dimas et Arlequin qui savent mon secret, qui m'ont servi, vous confirmeront ce que je vous dis là, interrogez-les. Mon amour ne dédaigne point d'avoir recours à ce témoignage. Ce que vous dites là est-il possible? On n'a donc jamais tant aimé que vous le faites.